L'idée, c'est que ce soit voilà, un projet commun à la fois avec vous, comme, comme on avait commencé, en enregistrant quelques histoires et tout ça, et en commençant avec les portraits sonores, et puis maintenant avec le reste de l'équipe qui va apporter bien sûr son savoir-faire et son regard, ses regards. Et puis voilà. Ses oreilles. Et ses oreilles surtout. Oui, regard et oreilles. Bien sûr. Voilà. Même s'il y a quand même une... On espère faire une interface internet pour que les personnes de l'extérieur, que ce soit vos familles ou les gens qui sont voilà, intéressés par le projet aspect artistique, puissent eux-mêmes suivre les histoires, les traces de vie dans cette carte. Voilà. Ah oui. Il sera possible de faire... Où ils viennent à la maison, mais bon, après, je ne sais pas si c'est vraiment ouvert à toute cette maison. C'est peut-être plus compliqué. C'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas, il y aura possibilité de découvrir cette maison. Voilà, de découvrir cette maison autrement que juste en voyant des images. D'accord. Voilà, plutôt en écoutant les histoires de chacun. J'espère. On va faire en sorte ensemble. On va faire en sorte que ça intéresse. Voilà, surtout ceux qui vont nous donner de l'argent, parce que tout ça n'est pas gratuit. Ben non. Alors, dites-moi tout. Ben, on peut commencer par le début, l'entrée, voilà. Mais on peut aller voir, par exemple, le secrétariat. Voilà, tu nous dis où on est, on vous suit. Patrick. On vous suit. Alors, avant de partir, peut-être, oui, situer un petit peu où on est. Oui. Ben là, on est dans la réception. C'est comme dans vous voyez, c'est une grande pièce, c'est un grand hall. Vers la porte d'entrée où vous êtes rentré, il y a un petit salon où on attend quand on part en activité, quand on va partir en vacances et que l'on attend nos transports. Il y a le secrétariat qui est sur la gauche, si je ne me trompe pas, par rapport à l'endroit où on est. Mm-hmm. Les bureaux de la direction, notre chapelle, parce qu'on a une chapelle aussi. On ira la voir. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Cette pièce est utilisée. Quand par il fait mauvais l'été, quand on fait les fêtes de l'établissement, on met quelques tables là et il y en a qui mangent là. On peut danser, faire la fête. C'est une grande pièce. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? C'est tout, je crois qu'on est dans cette pièce, à part quelques fêtes qu'on fait de temps en temps. Et quand on attend... on n'y fait pas grand-chose, on sait que c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage. Mmh. Et peut-être tu peux dire, Patrick, quels sont éventuellement ce qu'on entend dans cette pièce-là, peut-être les difficultés qu'on peut rencontrer dans une pièce-là, pour vous, la difficulté, la difficulté, c'est surtout pour les gens qui ont des difficultés d'orientation, c'est de se repérer, parce que c'est une pièce, pourtant il y a pas mal de repères, mais tous n'utilisent pas les mains courantes ou la bande podotactile qu'il y a un peu partout dans la réception. Parce que vous avez peut-être remarqué en rentrant qu'il y a ce qu'on appelle une bande podotactile qui va jusqu'aux ascenseurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, qui ne connaissent pas encore très bien la maison, notamment dans les résidents qui sont rentrés récemment. Et les bandes podotactiles, les aident un peu pour pouvoir se déplacer comme c'est tellement grand. Et le mobilier qu'on a demandé pour la réception, on l'a demandé justement pour couper un petit peu la résonance de la pièce. Parce qu'à une époque, elle était nue, cette pièce. Il n'y avait rien du tout. Il y a des gens qui ont aussi des problèmes auditifs qui avaient du mal à s'orienter tellement ça résonne. Et ça a été très long à le demander parce que ça coûte très cher, donc il a fallu faire venir la FIDEF qui est le centre de la sécurité sociale ici à Lyon, et une prof de locomotion qui est venue faire ce qu'on appelle un audit, et on lui a dit nous ce qu'on avait besoin, et après elle est allée présenter toutes nos demandes à la direction, et la direction elle a commandé tout ce matériel et on l'a eu petit à petit. Ça a demandé du temps. Et maintenant j'ai l'impression que les gens arrivent un peu mieux à se diriger. D'accord. Mais c'est une pièce qui est très grande. Hein. Je ne sais pas combien de mètres elle fait, mais. C'est vrai que. Ouais, elle est au moins 70. Oh, ben non, moi j'allais dire 120, 130. Ouais, moi j'irais, ouais, ouais. 200 mètres. Oh, tu comptes, après, ça dépend où tu vas jusqu'à l'ascenseur. Voilà, il y en a qui prennent l'ascenseur. Nous, la plupart du temps, on monte par l'escalier. Vous prenez l'escalier, ouais. Bon, on va prendre l'escalier de toute façon pour monter jusqu'aux étages. Mais il y en a, c'est vrai, pour notre grand ceux qui ont des difficultés à marcher parce qu'il y a des gens aussi qui sont en fauteuil roulant, oui. qui ont du mal à marcher, qui marchent mais qui ont du mal à marcher, donc ils préfèrent prendre l'ascenseur, ce qui est normal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de cette pièce? Ben, je crois que c'est tout. Hein. D'accord. On avance pour voir? Alors, ben, on va voir comme ça, on peut commencer par le bas. Par le bas. Voir. Ah oui, là ici, je vous ai pas dit, là dehors, là, c'est la cour. Il y a une fontaine. Il y a une fontaine. Mais souvent, l'été, quand il fait beau, on mange on là. Et on mange dehors. Mais c'est une fontaine qui ne coule plus pour l'instant. Non, il y a des problèmes d'eau apparemment. Elle n'arrive plus à circuler comme avant. Mais avant, quand elle coulait, c'était vachement agréable. Oui. Mais il n'y a pas des feuilles dedans, Patrick, aussi, en ce moment? Je ne sais pas. Parce que, oui, dans la fontaine. Ah oui? Ah ouais. Alors, non, c'est pas ça. Non, parce qu'une fois, il y avait des pleines feuilles dedans mortes, et c'est pour ça qu'on n'entendait plus l'eau couler. Ah, d'accord. Alors là, c'est un autre problème. Parce que c'était bien, hein, on entendait l'eau couler. Ouais, moi, quand j'ouvrais ma fenêtre, parce que je suis juste au-dessus. T'entendais? Oui, j'entendais. Ça me détendait et tout. Ah oui, c'est reposant, c'est vrai. Ouais. C'est super. Moi c'est ce que me racontaient certains résidents à l'époque. Il y a une planche, je ne sais pas ce que c'est comme planche, pour rendre un peu la pièce. Je ne pourrais pas dire. C'est un petit yucca. Oui, c'est un yucca. Un petit yucca. Yucca. Et ça, je ne sais plus le nom, mais. Je ne sais pas si ça se rentre. C'est un peu des planches qui sont grasses, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup. Oups, je suis devant toi. Alors la première pièce qui est en face, là. C'est une pièce qui nous mène au bureau de la maîtresse de maison. Et toute cette partie du bâtiment, là, est particulière, c'est le vieux bâtiment que certains anciens ont connu. Moi, j'en ai fait partie. C'est un bâtiment cette partie-là, qui date du XVIe siècle. XVIe, d'accord. XVIe. Oui, il me semble que c'était plus ancien que ça. C'est la pierre. Hein, oui, c'est là où il y a le bureau de Sylvie Muller, de la maison. Le secrétariat. Le secrétariat. Non, le secrétariat, c'est plus loin. Il y a aussi, tu sais, Anne, quand tu vas vers le réfectoire, il y a une salle à manger pour les dames. Les dames de service. Ah, oui, dames de service, c'est tout ça. Oui. Qu'est-ce qui était l'ancien secrétariat. Il y a aussi des escaliers en bas que les anciens ont beaucoup emprunté quand on avait l'ancien derrière bâtiment. Toi, il y a deux portes là que l'on ouvre et on ça descend. Ça tombe sur la route. Voilà, ça va sur la route. Et là, c'est le 1 bis. Mais je crois que là, Patrick, cette porte-là, on ne peut plus l'ouvrir. Ah. L'autre jour, M. Lemonnier disait qu'on pouvait. Et là, moi, j'ai essayé deux ou trois fois. Ça n'était pas arrivé. Mohamed, et j'ai pas réussi. C'est une vieille porte. Oh là là. Ça date de Mathieu Zalem. Même Mathieu Zalem, qui a passé, qui m'a aidé, elle n'a pas réussi non plus. Elle n'a pas réussi. Ça date de Mathieu Zalem. Alors, on continue. Ah, alors, attention. On va à droite. Hop, on continue par là. Bonjour, mesdames. Monsieur Lamont. Monsieur Lamont. Bonjour. Réalisatrice de film. On fait une petite visite. Voilà, Gilles et Anaïs. On va faire le tour du propriétaire. D'accord. Sur le nouveau projet, donc c'est pour ça que Patrick est. Vous êtes quoi de plus par rapport à l'équipe? Gilles Malatré et Anaïs Place qui vont travailler avec moi sur la carte sonore, le projet de la carte sonore. En fait, de travailler sur le paysage sonore. Voilà. Donc, et on est déjà venu travailler plusieurs fois ici avec. Là, on est en train de faire un audio guide, entre autres, avec le conseil de quartier, un essai avec certains de. Ah, vous en ferez partie aussi, parce que justement, on a... Je fais partie de l'équipe de l'audio-guide. Des deux dames, comment elles s'appelaient? Eh bien, il doit y avoir la voisine, Françoise... Madame de comment elle s'appelle? Non, je vais arriver à trouver son nom. La Borel? Qui habite juste au bout de la rue, là. Ah, Catherine Mirelli. Catherine Mirelli, voilà. Et Françoise Maillard. Oui, on avait eu leur visite, justement, on en parlait de... C'était quand leur visite, toi, Patrick? Oh, ça remonte à il y a quelques mois. Parce que je ne devais pas être là. Non, on était malade. C'était un vendredi, elles étaient venues un matin. Oui, et on était toujours en chantier, mais ça va arriver. Oui, ils nous avaient dit que ça prendrait du temps. Hein. Donc voilà, on leur fait visiter la maison. Alors on va tourner sur la droite. J'essaie de passer. Pardon. Ça va bien? Bonjour, Cécile et Vassy Anaïs. Bonjour, travaillez sur le projet de 14 heures. Bonjour. Alors on continue, on fait une petite visite. On va perdre nos guides. On arrive. Il y avait des escaliers anciens là. Ah oui, vous allez voir, il y a de beaux escaliers. Là, ici, qui montent à côté de la mezzaline. D'accord. Et anciennement, ces escaliers menaient au réfectoire, mais c'est plus le même. Hein. Ah oui. C'était un autre réfectoire, le bâtiment était fait différemment. Mais c'est des escaliers en bois, ils ont gardé le... Là, il est resté en bois, je crois. Et en fait, avant, l'idée... Bonjour. Bonjour. L'idée, avant, dans cette partie-là, il y avait la cuisine. En fait, elle se trouvait là, la cuisine. Pardon. À la place de la réception, il y avait la cuisine. Et là, tu avais tout le réfectoire, grande salle, qui menait jusqu'au bout, qui est la chapelle. Il n'y a que la chapelle qui est restée, qu'ils ont gardée, bien sûr. Et tout le reste est devenu des bureaux avec le bureau du directeur, M. Mignot. Voilà, mais qui sont là sur le bureau. Voilà. Et cet escalier menait en fait aux chambres des résidents qui étaient juste au-dessus. Pardon. Et bien sûr, ça donne sur la cour intérieure. Il y a un truc là pour s'asseoir aussi. Oui, ouais, je vois, il y a un banc. Oui, quand on assoit, quand on attend le directeur. Ouais. Directrice en s'assoit là. Et là, il y a une salle où on fait du braille aussi, hein, avec Camille. Ici, et là, à droite? Oui, là. D'accord. Une petite salle qui est là. D'accord. C'est celle-là. Ok. Je ne sais pas si elle est ouverte. Oui, elle est ouverte. Bonjour, dame. On fait une petite visite. Ah, d'accord, ce que je me disais, j'entendais vaguement, j'ai dit tiens, est-ce qu'il y a des gens qui sont perdus? Non, pas du tout. Non. Gilles Malatré et Anaïs Place vont travailler avec moi sur la carte sonore. D'accord. Bonjour. Et donc, Patrick leur fait faire la visite avec Cécilie et David. D'accord, bonjour Patrick, bonjour Cécilie. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Voilà, donc on... Les Ivoiriens font la visite. bonne continuation dans la visite. D'accord. Mais voilà, les Ivoiriens se débrouillent quand même très bien, oh, je trouve. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont des guides admirables. Oh oui, et souvent dans le détail, hein. Voilà. Que nous n'avons pas... Toujours, c'est ça, avec nos yeux. Eh bien, bonne continuation et à bientôt. Merci. Merci. Je ne sais pas si monsieur... Non, je crois que non, parce que je l'ai prévenu de la visite, il m'a dit qu'il était là. Ah bon, d'accord. Donc là, je ne sais pas si on pourra entrer à la chapelle. Ouais, c'est bon, je vais la porte. Ah, elle est ouverte? C'est Anne qui l'a ouverte. Ah, voilà, on fait nos messes dimanche. Oh, mais... Oui, on fait nos messes ici, on a des chaises, des bancs, comme dans une église. Sauf que c'est la chapelle de l'établissement. Et l'original, hein. C'est vraiment... Elle a toujours été là, cette chapelle. Mmh. Oui, elle aussi, elle a une histoire. Elle a une histoire. Ouais. Et le père Cotte faisait... Il faisait ses messes. Non, ici, c'était un peu petit, mais en tout cas, il en a fait pas mal ici. Oui. Excusez-nous. Voilà, en général, on est 15 personnes à peu près. Il y a même des gens de l'extérieur qui viennent. Avec nous aux messes le dimanche. Les voisins, surtout. Les voisins. Et aussi certaines personnes de la maison de Saint-Odile ou pas? Non. Non, la maison, non, d'accord. Non. C'est vraiment les voisins directs et... Et les résidents. Oui, qui sont à côté de nous, en fait, les voisins. Une fois, on avait eu la visite de l'ancienne maîtresse de la maison du foyer Saint-Odile, qui était venue mais il y a longtemps. Il y a longtemps, d'accord. Elle s'appelait comment? Sorpoline. Ah oui. D'accord. Ah bah oui, d'accord. Mmh. Elle était maîtresse là-bas? Ouais. Ah, je savais même pas, tu vois. Oui, parce qu'à l'époque, pour vous expliquer, il y avait deux foyers, quand, avant de vivre dans le foyer où on est là. Il y avait deux foyers. Il y avait le foyer Saint-Odile pour les femmes, mais il y avait aussi quelques hommes, mais en majorité, c'était des femmes. Et le foyer Saint-Raphaël, où il n'y avait que des hommes. Mmh. Et même à l'origine, l'établissement s'appelait la maison des hommes aveugles. Et ça a été retiré, je ne sais pas en quelle année, mais il a porté ce nom-là pendant un moment. Et comme le bâtiment était trop vieux, il y avait beaucoup de d'escaliers, enfin c'était vétuste, pas adapté pour des personnes non-voyantes, l'établissement a entrepris des travaux qui ont duré 4 ans pour faire le bâtiment dans lequel on n'aimait pas celui-là, le bâtiment où on va retourner tout à l'heure. Et on y est, nous les hommes, on est rentrés le 6 et le 7 avril 2007, et les femmes nous ont rejoints le 9 janvier 2008. Et depuis, nous sommes tous dans ces chambres depuis 2007-2008. Mais au début, quand les résidents sont rentrés dans ce bâtiment, certaines chambres n'étaient pas encore finies. Il y avait des finitions qui n'étaient pas encore faites. Mais ça s'est fait petit à petit. Et voilà comment l'étage s'est construit. Nous, chez nous, on est actuellement, on doit être 18 résidents, je crois. 19. Et on il y a un stagiaire. Ah oui, stagiaire à Camille. Oui, il y a Camille. Oui. Bah, il y a Camille, ou il y a Jean-François. Ouais, la semaine dernière, il y a eu Fabrice. Il y a Fabrice. Il y a une semaine ou deux, un stagiaire avec nous. D'accord. En fait, stagiaire, ça veut dire... accueil temporaire. Voilà, c'est ça, accueil temporaire. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais une demande ici, tu dois d'abord passer une semaine pour savoir si tu te sens bien, tout ça. Et ouais. Ensuite, tu peux intégrer la maison si ça te convient, si tout le monde... Voilà, c'est le but pour que la personne n'ait pas à regretter le choix qu'elle a fait. Voilà, le choix qu'elle a fait. Parfois, ça peut se faire dans le temps. Hein, mais en général, au moins, quand elle fait le choix, elle sait que... en ayant visité la maison avant, en ayant fait un stage, elle sait à quoi ça s'attend. Mm-hmm. C'est ce que j'ai fait aussi. Hein. Les grandes lignes. Ouais. Moi, quand j'ai fait mon stage, j'étais au troisième étage, parce qu'il n'y avait pas de place au premier. Mm-hmm. Et je suis revenue le 7 novembre 2009 ici. 7 novembre 2009, toi. Mm. Oh oui, c'était un gros chantier. Hein. Mm-hmm. Ça a mis du temps. Mais je suis descendue au premier étage le 8 avril. Non, ouais, un truc comme ça. Le 8 avril 2010. Ah oui, d'accord. Troisième étage d'abord et après le premier étage. C'est comme Marianne. Mmh. Oui, parce qu'il n'y avait pas de place et j'attendais qu'un garçon déménage, allait dans un CAT pour prendre la place en fait. Mmh. Voilà. Quelle mémoire! Oui! Non, mais ils sont tous. Vous avez un sacré souvenir. Ah, ouais, on a beaucoup en général. David, il est impressionnant aussi. Là, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai fait des stages en 2012, enfin, au mois de novembre 2012. Et après, j'ai terminé ma période dans un ancien foyer, enfin, qui existe encore, mais à côté de Poitiers. Et après, je suis arrivé installé le 20 mai 2013, ici, au premier étage. Directement au premier étage. Hein. Oui, j'ai tout fait au premier étage. Ouais. D'accord. Bon, ben, on continue la visite. Ah oui. On avance. C'est vrai que moi, 4 heures que j'ai pour le moment. Ah non, à droite. Droite. Oui. Droite. Boum. Cécilie, attention. Allez, hop, tout droit. Cécilie a quand même un petit don. Elle perçoit les masses. Oui, c'est ému. Oui. Elle sent s'il y a un mur en face de toi, s'il y a personne. Non, dans le corps. Il y a des aveugles qui développent ça. J'ai vu le changement de trajectoire. Non, pas par là. Tout droit. On va prendre le. Ça vous ennuie si on prend l'escalier en bois? Non. On va au-dessus de la mezzanine. Ouais. Bon, on a le temps quand même de faire un. Je connais moins maintenant, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus pris le bâtiment. Non, en tout cas, je t'ai filmé dedans. Je t'ai filmé. Je crois qu'il doit être par là. Non, à droite. Ça, c'est là. À droite, hein, et ensuite à gauche. C'est parti, à gauche, attends. Les escaliers. Il y a un plan au-dessus, un cadre, un mur. Lyon, c'est au bon 16e siècle. Pas trop difficile, Cécilie, voilà. Ça va ? Ça va. Attends, tourne à gauche, nous. Allez, c'est bon. Doucement, mais sûrement. C'est bon ? Souvenir. C'est ça. En fait, ce qu'on nous a emprunté, c'est ce qu'on. Ça, c'est pas du tout. Du beau chêne, là. Ah oui, ça. Et voilà. Là, on va arriver à gauche, à la médaille. C'est ça, hein? Oui, oui. À gauche. Ouais, c'est vrai que par ce coin-là, je ne connais pas du tout. Enfin, je connais très peu. À gauche, à la médaille, sur la route. Non, non, après, c'est des bureaux administratifs, mais tout ça, c'était des chambres. D'accord. Donc, ils ont emprunté ce qu'il y avait comme douche. Ah ouais, non. Ouais. Il y avait des escaliers partout. Pas du tout. Bah, tu peux avancer. Ah, voilà, ouais, on va. Donc là, ça continue, évidemment. Alors, toutes ces rambardes ont été installées en 3 semaines. Parce que quand on est rentré dans le bâtiment. C'est Margot, ceci. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Vas-y. Où on va rentrer, il n'y avait pas de rambarde. Alors comme c'était très grand, personne n'avait de repère. Quand on arrivait aux escaliers, on se disait, mais comment on va faire? Et on en a parlé à M. Le Meunier et à Mme Nury, et M. Le Meunier a contacté une entreprise qui fabrique les rambardes comme ça, parce que ça coûte très cher. Hein. Oui. Et en 3 semaines, l'entreprise nous les a installés. Et c'est vrai que depuis, ça a changé la vie par rapport à ça. Ah oui. On les utilise, on peut aller là où on veut. Ah, je ne vous ai pas montré la salle de sport aussi, tu sais, c'est vrai. Mais bon. On va faire digérer bientôt. On va faire digérer bientôt. Ouais, on l'a fait. Ah, c'est on a fait un peu de cuisine. On a fait un pâté de salsifis. Donc cette pièce, saumon, si tu veux, elle résonne énormément. Pourtant, il y a un plafond acoustique. Oui, oui. Ah, super. Ouais. Mais avec le bois et les vitres. Ouais, et en fait, elle est pas très bien exploitée, cette pièce. J'avais vraiment envie de faire quelque chose dedans. Anaïs, j'avais vraiment envie de faire un truc dans cette pièce parce que c'est une pièce qui résonne, dans laquelle le son résonne énormément. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de l'utiliser parce que il n'y a pas vraiment d'alcôve ou des choses comme ça, donc peut-être essayer d'imaginer des. Ouais, puis c'est vaste pour les 3 tables qu'il y a dans l'espace. Ouais, après, de temps en temps, il y a des réceptions, tout ça, mais c'est vrai que. Ça donne pas forcément envie de s'y installer, quoi. Non. Ben, ce midi, on était là à boire le café avec les stagiaires psychologues. Psychologues, d'accord. Mais ça reste quand même des espaces. Le son est. Ah oui, très. On va quand même. C'est pas très. Oui, c'est agréable, c'est pas agréable. Qu'est-ce qui. La mezzanine aussi. Je crois qu'ils font ici aussi. La mezzanine aussi, c'est. C'était le passage à aller entre le bâtiment où on était et les escaliers qui nous mènent à la réception. Mais ça pourrait être un lieu qui pourrait être plus utilisé, non ? Oh bon, on l'utilise de temps en temps. Pas très souvent. Pas très souvent, c'est ça, mais il pourrait l'être. Fait un petit peu comme la réception. On fait des après-midi dansants ou. Pour les fêtes de fin d'année, elle est utilisée aussi pour manger, pour danser. Oui, elle est mal utilisée. D'accord. On continue ? On continue. Alors, hop. On va y voir les escaliers de vie. Ouais. On peut monter au 2e étage, alors si. Ouais. Mais il faut présenter notre étage d'abord, non ? Ouais, présente celui-là et puis après on passera au. Juste... Voilà, donc on va vous présenter notre étage. Alors là, il y a le salon. Et dans les 2 couloirs du salon, je parle mal. Mais non, tu parles pas mal. On a bien compris. Mais j'ai mal dit. Parce qu'il y a un couloir, en fait, à ma gauche, où il y a plein de chambres. Et là, vous passez devant l'ascenseur. Là, bon, bah, c'est le salon. Et après, c'est la grande salle à manger, mm-hmm. où on mange. Et après, si vous voyez plus loin au fond, il y a un couloir où il y a encore des chambres. Parce que tout le monde ne peut pas aller de ce côté-là. S'il y a des chambres tout au fond aussi. Voilà. D'accord. Donc, il y a des chambres des deux côtés. Oui. Voilà, c'est couloir. Vraiment, c'est oui. d'abord l'espace ah, commun. Là, c'est notre lieu de vie. Voilà, le lieu de vie autour de l'ascenseur. Et pardon. Ensuite, de chaque côté, tu as les couloirs qui mènent aux chambres. Et chacun a son prénom sur la porte. Et le numéro. Et voilà. Et donc, tu as des mains courantes. On a même fait ça avec des petites pièces qu'on utilise, qu'on a utilisées à l'atelier occupationnel, parce qu'on a un atelier occupationnel aussi. Mmh. Ouais, ah bah, on pourrait presque, je ne sais pas si on aura le temps. De finir avec ça Oui, bah, pour de ça, rentrer. C'est pas on n'a pas prévenu Christophe. Bon, c'est pas grave, je l'ai vu il y a quelques jours, il n'y a pas de souci. Ah, tu l'avais vu bon, parce que oui, sinon, oui. On l'a je l'ai pas, vu vendredi, je crois. Faire quoi, les boîtes à lettres Non, je sais pas, de finir la visite à l'atelier occupationnel. Ah oui. Ouais, pour comme on va sortir un peu là au troisième, on va descendre et puis on finira par l'atelier. D'accord. Donc en fait, voilà, ici, il y a des espaces. Et il y a un petit espace là-bas aussi, une alcôve au fond du couloir. Oui, il y a un petit salon. Un petit salon, mais... Ça fait très bien, l'alcôve. Ah, oui, alcôve. Et là, si on va au fond, c'est le. Pourquoi ça te fait rire? Je sais pas. C'est le mot alcôve. Alcôve. Voilà. Et de l'autre côté, ça mène à leur terrasse où il y a un banc. Nous, on n'a pas protégé. Non, nous, on n'a pas de terrasse. Ouais, mais une terrasse, en tout cas, un autre espace. Regret, mais bon. Oui, c'est vrai, un espace extérieur où il y a deux bancs, un protégé, l'autre pas, pour les fumeurs. Voilà, c'est le coin fumeur. Donc, si vous voulez, on peut aller voir parce que ça peut être aussi Bien sûr. Un endroit où on peut mettre un petit capteur et tout ça. Et là, chaque étage, leur barre, en fait, et c'est, donc tu vois, elle est séparée là. Il y a un espace pour rentrer. Et il y a certains résidents qui sont incapables de faire ça. C'est pas grave. Ils peuvent pas. Ah oui, la rupture, c'est oui, c'est. La rupture est trop large. C'est vrai qu'elle c'est large, oui. Il n'y a pas une clochette, il n'y a pas un bruit. Et donc la nuit, ce qu'ils font pour les résidentes qui se lèvent, ils mettent des chaises retournées pour faire la continuité de, oui. voilà, de la main courante. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, vous. Très bien. Alors, on continue. Alors, on va juste aller voir là-bas, comme ça. Si en plus, c'est très sympa. Voilà, je vous dis les petits détails que j'ai repérés. Parce qu'en fait, les autres étages, ils ont leur terrasse que nous, on ne l'a pas, en fait. Mais c'est vrai que vous avez la mezzanine, mais en c'est fait. Rien de... Ouais. Nous, on a la mezzanine, en fait. C'est j'ai posé la question, justement, à monsieur Lebanier. J'ai trouvé. Et c'est les monuments de France qui n'ont pas voulu qu'on ait une terrasse. Alors pourquoi, on ne sait pas. Ah, d'accord, les monuments de France. Voilà, ils n'ont pas voulu qu'on ait une terrasse. C'est le gag, mais c'est comme ça. Pardon, Patrick. C'est pas grave, c'est ça. Excuse-moi. C'est pas grave. Vous voyez la distance qu'il y a hein, quand on vient par là. C'est un peu comme ça dans la maison. Donc là, il y a la grande salle du Percot, c'est une grande salle de... De fête. Oui, de fête. Oh, on est où on faisait du théâtre, il y a un aïe devant. C'est vrai. Le mardi matin. Et hier, on faisait de la relaxation. Et il n'y a plus de théâtre ici ? Non, parce que l'éducateur qui faisait ça était parti. D'accord. Il y en a une, elle fait une formation. Mm-hmm. Et puis, bah, la dame, elle est restée toute seule là. Comment on appelle ça ? Tu sais, comment elle s'appelle ? Patronine ? Non. L'autre, Maëlle. Elle est psychomotricienne. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est l'extérieur. Non, moi, on a aussi un chemin qui nous emmène, qui nous fait redescendre. Il n'y a aucun chemin qui nous emmène en hauteur. En fait, on reste du parc. Tu vas être obligé de descendre pour refaire le grand tour. C'est les autres étages qui ont un accès plus direct au parc. Mais t'as, toi, comme tu vois, il y a un banc. Qui est très utilisé et puis bon, des petits bancs en bois. Il fait frais, hein. Ouais. Là, il fait frais. Il y a même un peu de vent. Bah, soleil le matin et l'ombre. L'après-midi. L'après-midi. Voilà. Bon. Hop. Alors, nous de notre côté, nous de notre côté, par exemple, on n'a pas le soleil. Par contre, il y a. Oui, c'est vrai que vous êtes exposé. Non. En fait, les chambres sont nord. Je crois que ça doit être un peu je sais pas, qui est juste en face de nos chambres. À Tilleul. Voilà, à Tilleul. Et vous avez trois tilleuls, ouais. Ça coupe la luminosité, mais quelque part on est bien parce que même l'été quand il fait chaud, ça garde un petit peu la ça, c'est fraîcheur. Pas mal, hein. Et puis à une certaine époque, ça sent bon le tilleul. Oui. Là. Ah oui, oui, oui, tout à fait. Ça. Vous avez un tableau là sur le mur ? Enfin, quelque chose en relief. Juste un tableau. Au-dessus, là. Où ça ? Ici, là. Ça, là. C'est quoi ? Ah, c'est de la non, ça, c'est de la... en relief. Non, c'est de la brûlure. Non. Ça, c'est un truc qui a brûlé. Ah, ça a brûlé ? Ouais, à mon avis. je voyais une dame. C'est une déformation plasticienne, oui, je pense que c'est. Il y a ça, des creux et des pleins, je pensais que c'était. Une sorte de salpêtre. Ah, je ne sais pas. Et donc, en fait, tu vois, il y a marqué les prénoms, mais il s'avère que. Avant, quand c'était plus âgé, il y avait le prénom en braille. Et en fait, ils n'y sont pas. Non, ici, ça n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait. Il y en a qui l'ont, mais pas tout le monde. Oui, c'est bien dit, c'est super. Donc, c'est vrai que pour savoir, si tu. Il faut vraiment avoir une bonne mémoire. Directeur. Moi, je reconnais aux portes. Je retiens par les portes. Oui, mais pour quelqu'un qui arrive, oui. Qui vient de débarquer, voilà, c'est là où ils sont un peu perdus. Parce que... Là, on est devant chez Bernard. Voilà, oui. Bernard. Bibolet, un vieux de la vieille. Hein, oui, Bernard. Il est là, quand même, mais... Lui, il est là depuis très très longtemps, encore 30 ans. Non, il y a. Là, depuis 1956. Là, il y a une pioche. Ouais, 1956. Oula, j'étais pas né. Assez de doigts de la Moi non plus. Bonjour. Salut. Ça va bien ? Ça va et vous ? Bah, très bien, très bien. Donc ça, c'est la chambre de Patrick. Vous nous emmenez au premier étage, Patrick ? Au deuxième. Oui, là, on par les escaliers. Vous voulez voir, ne serait-ce que deux secondes, les chambres ? Ça vous donnera une idée un petit peu. Est-ce que ça fait pas partie de la carte sonore, hein, pas forcément, ah, comme non, vous. Non, comme vous le souhaitez. On sort vraiment du cadre privé. Voilà, Gilles et Anaïs. Bonjour. Moi, c'est Alain. Bonjour. Alain, qui est un des éducateurs. Oui. Voilà, de l'étage. C'est ça. Uniquement de celui-là. De celui-là. Parce que je crois que les éducateurs sont attitrés à un étage et ils restent à cet étage. Et après, peut-être vous changez au bout de 2-3 ans ou... Ouais, il y a très peu de mouvement. Il y a très peu de mouvement. C'est souvent le même. Ouais. C'est les gens qui montent en grade. Je suis pas sûre. Hein. C'est plutôt. Non, c'est mon. Bon, tant pis. Tout l'inverse. Non, je suis arrivé directement à l'étage du top. Oui, c'est les plus valides. Oui, non, non. Oui, c'est vrai que. Voilà, les plus autonomes, je dirais. Oui. Cet étage. Et plus tu vas en haut, plus c'est la gériatrie. Et là, c'est plutôt. Voilà, plus difficile. On verra. Voilà, ceux qui sont plus. Qui ont du mal à bouger, les retraités, les fins de vie. Voilà. Et ils vont travailler avec moi, en fait, c'est vraiment l'équipe. Il y en a deux autres encore sur la carte sonore du projet. Donc, voilà. Anaïs ne connaît pas du tout, plasticienne qui ne connaît pas du tout la maison. Et Gilles était venu il y a quelques années avec un autre projet sur le son. Avec je ne sais pas si tu étais là. Plein d'objets électroacoustiques avec l'optique. Voilà. C'est lui qui m'avait parlé de ça, oui. Oh, je sais pas, il y avait eu pas mal de pensionnaires d'ici avec lesquels on avait. C'était il y a 3-4 ans. Oh, à peu près, oui. Ah, oui, le temps passe. C'est ça, tu dis 2 ans, mais finalement. Non, oui, ça fait bien 3-4 ans. 4 ans déjà. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Bon, ben. Voilà. Et c'est pour quand ? Ah, ben pour quand, on ne sait pas, mais en tout cas, là, on est en train d'écrire le dossier. Donc. Dans la phase d'écriture, tu sais, après, je rencontre un petit producteur, et puis après, on cherche de l'argent, et puis quand il y a l'argent, et quand on a l'argent, on dit, ouais, ça y est, on est prêt, on y va. Ah, après, on l'argent. Y va. Mais bon, ce ne sera pas avant la fin de l'année qui s'écoule, là, 2016, parce que quand tu déposes un dossier pour les subventions, il faut minimum 3 mois avant qu'ils prennent une décision, Doucin. Oui, puis là, il va y avoir les vacances. Ouais, non, mais ça, les vacances, c'est pas gênant. Surtout qu'on va essayer de déposer le dossier avant les vacances. Mais en fond, après, on est tributaire de date aussi, de dépôt de dossier. Et effectivement, l'été, après l'été, tout le monde, pour le peu, est en vacances. Voilà. Et c'est vrai qu'il vaut mieux les déposer rapidement parce que plus tu arrives à la fin de l'année, moins il y a d'argent. Et après, ça recommence. Hein. Donc, vaut mieux déposer les dossiers en début d'année. Comme ça, tu as une chance d'avoir. Après, c'est 2017. Après, c'est 2017. Voilà. Mais en tout cas, ça s'écoulera plutôt en 2017, le projet. S'il se fait. Oh, tu penses 2017. Comment ? Tu penses plutôt de 2017. Bah, oui. Le temps de mettre le dossier, les choses... Après, ça peut commencer en fin 2016, mais ce serait une très bonne surprise. C'est un projet qui demande un peu plus de moyens que le premier... Ah oui. Ouais, des portraits, ouais. Qui voilà. A fait un tabac. Hein ? Qui a fait un tabac, ici. Ah oui, c'est impossible. Ah, et il sort, maintenant, il sort des murs, en plus. Bah oui, oui, le 28 avril. La soirée qu'on a fait... Patrick, tu viendras le 28 avril, hein ? Oui, le 28 avril. Cécilie ? Ouais, moi aussi. Ah bon, à la MJC Saint-Rambert, hein ? À fond, hein, les copains. Alors, on aurait dû, mais comme je te disais hier, c'était surtout en majorité les résidents du 3. Oui, oui, bah, de toute façon, après... Nous, on s'était proposé, mais il n'y avait pas assez de place. Il n'y avait pas assez de place. Moi, je ne pouvais pas y aller quand... L'autre fois, est-ce que je t'ai pas rencontré Ouais, mais comme il y avait une deuxième date, et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Okay. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un débat, David m'en a un petit peu parlé. Ouais. Mais il y aura aussi un débat... Après, tu peux faire ça au 9 aussi. Au 9. Bah après, il faut... Avec Catherine Morinière, justement. Oui, oui, bah enfin, ça... je veux dire la mairie du 9. La mairie du 9, oui, tout à fait. Bah, elles doivent venir normalement, là, à Saint-Rambert. On continue ? Allez, parce que... Même à la médiathèque de Vez, il y a une belle salle pour présenter ça. Mais tu sais que j'essaie de contacter le mec, j'arrive pas à le joindre. Hein. Oh bah, ah bon, parce que moi, je l'ai facilement. On a fait des trucs plusieurs fois. Donc c'est vrai, j'arrive. Ah bah, si t'as ses coordonnées, direct, je veux bien la faire. Oui. Parce qu'on a fait... Ah bah, j'arrive pas à le joindre. Bah ouais, ça marche comme ça. On a fait les présentations, on a fait deux présentations des mémoires ouvrières des femmes de Vez, là. Ah, j'ai oublié de t'amener le CD, d'ailleurs. Ah. Oui. Mais c'est vrai que je... On prend les escaliers ? Ouais. Ou vous voulez monter par l'ascenseur, Anaïs ? Qu'est-ce que tu préfères ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Alors, pour aller au deuxième étage, on change de direction. Alors, on change de direction. Anaïs est en train de lire le braille. Donc, on essaye de déchiffrer. Voilà, de déchiffrer le braille. Elle s'entraîne, c'est la première leçon, donc il y a encore du... Derrière cette porte. Courage, Émilie. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. C'est l'escalier. C'est l'escalier, on y va. Alors ça, c'est un truc, je voudrais mettre un capteur pour l'escalier, parce que ça, il y a un truc incroyable. Alors comme vous avez le temps, on a cru de mettre... Vas-y, je la tiens. Allez-y. Quelqu'un a mis un parfum. On le sent, vous le sentez, le parfum ? Oui. Voilà. Oh là ! Ils ont mis la bouteille. Grosse dose. Cet escalier, on dirait qu'on est dans une grotte, moi, à chaque fois que je le vois. Oui, il est réverbéré, c'est... Sur laquelle il est, c'est dans le réverbéré. Une cage, là. Excusez-moi, je... Il y a de la musique. Il y a de la musique. On va faire une petite émission de radio, avec cette visite. Oui, oui, oui. Merci. C'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tony. Bonjour, Tony. Je vais chercher. Je suis un regard, c'est toi. La tête, très proche. Le village est trop bien. sans même faire une séparation. Parce que quand il est au troisième, ben, le deuxième entend tout. Et merci pour votre écoute. Je crois qu'ils ont. Il est prévu qu'ils fassent un aménagement. Bonjour les chanteurs et chanteuses. Qu'ils fassent un petit aménagement. Bonjour, excusez-nous, on arrive. Les uns et les autres ne soient pas trop. Enfin, il y a quelqu'un. Trop gêné par le bruit. D'accord, ben on n'a pas besoin. D'accord. Attends, on est... Moi, je travaille sur un projet, la carte sonore, avec la Maison des Aveugles. Et donc, voilà, c'était une petite visite que Patrick me faisait pour les personnes avec qui je travaille et qui ne connaissent pas la maison, forcément. Donc voilà. Salut Rémi. On a même volé une petite ambiance sonore qui était très belle. Salut Tony. J'utilise les mêmes. Enfin, non, c'est les Zoom, non? Oui, c'est, bah, ça, c'est le Zoom première génération. Ça, c'est le premier premier. Mais c'est solide. Bonjour monsieur. Ça va Patrick? Je me rapproche. On est au troisième étage d'ailleurs. Ça va Cécilie? Voilà, on vient vous voir un petit peu avec ces messieurs dames. Bon, moi, je voulais présenter, vous ne soyez pas surpris qu'on ne vous a pas prévenu. Bonjour. Cécilie, vous allez bien? Donc voilà, donc, au bout de ce couloir. Ah ben, il a mangé parce que j'ai ramené son plateau. Il n'a peut-être pas souvenir. Ils ont c'était là une où il y avait. Où Cécilie, hein, Cécilie si je ne me trompe pas, au bout, il y a un petit salon et c'était là où tu lisais les romans à une époque. Oui. Qui ne se fait plus. Et aussi, il faisait du tricot. Mmh. Donc et je crois là-bas. Font plus et ils ne font plus non plus. Lire, c'est-à-dire lire des, à voix haute. Voilà, pour, des livres pour les autres. Exactement. Et ça, j'aimerais donc bien des livres en braille. Oui. Mais il y avait aussi des personnes voyantes qui lisaient pour les non-voyants. Et je le faisais, maintenant je le fais un petit peu le soir. C'est agréable d'entendre quelqu'un lire. Lire. J'adore ça. Et ça, je voudrais bien qu'elle le refasse, Cécilie, pour une des cellules. Voilà, qu'elle nous lise un passage d'un livre qu'elle aime bien. Voilà, et comme ça, quand on va là-bas, eh ben, on peut écouter ce passage-là. Ah oui. Donc on sait aussi qu'il y a un musicien guitariste, chanteur. J'ai vu que qu'il était aussi de la maison, mais bon, oui. Ça fait aussi partie de... Tout à fait. C'est un remplacement. Mais il y a plein de musiciens. David, il joue du bandoléon et du synthé. Oui, d'accord. On a un harmoniciste, ou deux harmonicistes, un pianiste. On a plusieurs pianistes, enfin, aux gens qu'on a accordéon. Hein. On a oublié de vous montrer la Saperco, enfin l'intérieur de la Saperco, parce qu'il y a deux pianos. Nous, Oui, il y a deux pianos. La chorale. Ah oui, il y a une chorale. Ouais. Ça, ce sera intéressant. Ah oui, ça, il faut... Mais en haut, on n'aura pas avant le 13 mai. Bon, oui. La chorale plus que ça. Pourquoi elle ne revient pas? Elle fait un stage. Qui c'est c'est pas grave, de toute façon, nous, l'année prochaine. Qui c'est qui s'en occupe de la chorale? C'est une éducatrice qui est partie en formation de chef de service. D'accord. Ah, c'est Fabienne. Fabienne. Fabienne. D'accord, c'était elle qui s'occupait de... Quand elle aura fini son stage, elle a des jours à rattraper de vacances, donc on la reverra, je crois, vers le 20 mai par là. Ah oui. Oh, ben, c'est pas grave, on a le temps. Oui, ça va, mais en tout cas, on sait. Donc voilà. Et là, il y a un accès, si on veut, dans le parc. On va aller au bout là-bas parce que j'ai une petite idée pour l'extérieur. On va vers l'extérieur, Patrick, David et Cécilie. Attention, il y a du monde. Je vais vous guider un peu. Tiens. Parce qu'il y a une personne en face ou non. Attention, David, il y a quelqu'un en face de toi. Voilà. Et je te mets sur la main courante. Voilà. Il y a la bulle détente. Non. J'ai visité la bulle détente. Ah, Patrick, tout droit. Non, pas toi. Voilà. D'accord. C'est une salle dans laquelle ils se détendent, les résidents uniquement de cet étage. Ouais. Et il y a une petite fontaine, toi, avec un petit encens, tout ça. Oui, vous n'avez pas le droit. Ouais, donc on n'a pas le droit à tout ça. Hein. Mais non, je sais, vous n'avez pas le droit. Il n'y a que les gens dans cet étage qui ont le droit. Alors, tout droit, Patrick. Ah, Patrick, attention. C'est mal foutu, là. Il a failli se cogner. Il a failli se cogner. Il faut savoir. Ah oui, c'est ça. C'est qu'il faut le savoir. Il n'y a plus de main courante, mais tu vas tout droit. Là, tu as deux chambres. Et attention, un mur. Attention, parce qu'à nouveau un mur. Ne l'embrasse pas surtout. C'est pas le jour de son anniversaire. Bon, ça le reste. Alors, même chose, il y a encore deux chambres. Donc, c'est sûr que là, quand on ne connaît pas son... En fait, quand on n'habite pas dans l'état... Attention! Oui, heureusement, j'aurais mes mais viens, tes mains devant. Ça m'a fait peur. Oui, pardon. Non. Je ne voulais pas, mais parce que je le voyais. Non, heureusement, j'avais mes mains devant. Je m'abaisse. D'accord. Non. C'est moins bien fait ici. J'ai trop... Tu trouves que c'est moins bien fait ici que à votre étage? Ouais, oui. Pourquoi? Parce que bah, l'étage est plus long et il y a deux trous là avec la fermière plus. Et nous, c'est pas pareil comme nous. Là, le salon là, il est pas du tout comme nous. Oui, oui. Donc là, on est dans le salon. Et on a accès à l'extérieur. Et ce qui est, je trouve, joli, c'est qu'on a un espace ici qu'on pourrait commencer la balade sonore de l'extérieur. Ah oui, faire l'inverse. Tu vois, je trouve que c'est ce qui est l'avantage de cet endroit, c'est que il y a de l'espace, on a même pensé à des potagers sur table, comme on appelle, des petits carrés de terre que vous pourriez utiliser pour planter des choses. Ah oui, et pourquoi pas aussi mettre des blancs bancs ici, sur cette partie-là, parce qu'elle est assez plate, facile d'accès. Et l'avantage, c'est que bah, vous êtes directement dans le parc. Oui. Et oui, mais alors mettre des bancs, il faudra demander l'autorisation. Non, mais t'inquiète pas, ça. Oui, mais ça, bien sûr, quand on fera les dessins. Ou alors on viendra les mettre la nuit discrètement. Voilà, mais... regarde, non. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'est pas chez nous. Oui, non, mais ça, c'est. Bah, mais ce serait bien que ce soit chez vous quand même. C'est quand même chez vous. Non, moi, on est moins chez nous là qu'à notre étage. D'ailleurs, on ne vous a pas montré le zéro. On verra si on a un petit peu de temps tout à l'heure. Oui, d'aller au zéro. Voilà. Comme ça, vous verrez. Pourtant, on nous dit que ces deux étages sont plus compliqués par rapport à. Il y en a même un poney. Parce que le zéro, par exemple, il est exactement fait comme le nôtre. On peut se repérer de la même manière. Plus facilement, alors que le 2-3, d'accord. Eux ont aménagé leur étage différemment au niveau des tables, mais sinon, c'est la même configuration que chez nous. D'accord. Ah oui, ça, je. Aussi, j'aime bien mes et il y a aussi, comme tu vois, un banc là-haut, mais je crois qu'il y en a assez que ça. Oh, mais là, ils peuvent le soir à la fraîche, là, il y en a qui peuvent venir fumer à la clope. Ouais, mais il n'y a pas de banc, tu vois, tu ne peux pas t'asseoir. Il n'y a rien. Tu ne peux pas t'asseoir, tu es obligé d'aller à la terrasse en face de l'autre côté. Voilà, à mon avis, ça doit être mis de l'autre côté. Ce qui est dommage, parce que là, c'est vraiment facile d'accès, toi, tu vas direct, tu as la main courante en plus déjà installée. Et il y a même des chambres, je me suis laissé dire qu'il y avait même des chambres qui faisaient 30 mètres carrés et qui donnaient directement sur la terrasse. Alors, c'est le pied, le matin, tu te lèves. Ouais, on se croit à la mer. Tu peux faire ta petite gym sur la terrasse. Vraie suite. Ah ouais, c'est l'hôtel 4 étoiles, c'est ça. Tu sais la terrasse où il est la chambre où il est Tony, celui-là qui est en fauteuil roulant. Et Bernard Constantin aussi. Ah oui, mais Tony aussi. Tony, comment Sonnet, Sonnet, ouais. Eh bien, sa chambre donne sur la terrasse. Même Maurice, le monde aussi. Ah oui, là-haut. Non, cool. Ici. Ah, ici. D'accord. Là, tu peux mettre. De toute façon, de chaque côté, tu as des chambres et ils donnent directement sur les terrasses. Tu peux mettre une chaise, puis quand il ne fait pas trop chaud. Oui, comme Anita, par exemple. On ne peut pas avoir l'accès sur la terrasse. Quand tu ouvres sa fenêtre, ça fait super haut, fait. D'accord. Mm. Et puis là, derrière le mur, on est juste sur le smalto. Ouais, on va rentrer, si vous voulez. On va rentrer parce qu'il fait... Oui, mais il y a un petit vent du nord aujourd'hui. Ouais, exactement. Allez, il y a un petit vent du nord, on sait pas. Un vent du nord qui fait froid. Sur la porte, c'est fini. Là, voilà, donc on peut, je ne peux pas trop vous en dire. Eh bien, on continue. Et puis on va au troisième. Troisième. Oui, qui n'est pas grand. Allez, c'est parti. Alors, attention au trou. Voilà. C'est vrai que par rapport à leur étage, comme il y a une partie où il n'y a pas du tout des champs, ouais. Ils sont, donc c'est plus localisé. Là, Comme tu as des chambres de chaque côté, ça doit être un peu Anne, oui. Même le salon ici, il est moins... il a pas de chambre de chaque côté, tout comme ça. Il est beaucoup plus... C'est fait plus comme un couloir qu'un salon. Le salon, tu veux dire celui qu'on vient de passer, là? Oui. D'accord. Ah ben non, qu'est-ce que tu en penses? Il est au bout. Alors après, c'est peut-être pour ça, comme il est tellement excentré par rapport à la pièce de vie, que finalement, les gens ne l'utilisent peut-être pas forcément parce qu'il est un peu mis à l'écart. Et donc, tu es obligé de faire tout le couloir pour y accéder. Voilà, ils acceptent là-bas maintenant. Alors après, les résidents restent tout le temps là-bas. Donc. Ou dans leur chambre. Ou dans leur chambre. Et effectivement, dans chaque chambre, il y a la fenêtre, attention, il y a la porte ouverte. Et effectivement, il y a des portes qui donnent directement sur la terrasse, des portes coulissantes. Dans les chambres. Je ne sais pas s'ils ont le soleil directement. Non, parce que c'est plein nord. C'est le soir qu'ils ont le soleil. Ouais. Mais par contre, ici, ils souffrent beaucoup plus de la chaleur. D'accord. Et là, c'est quoi? Au deuxième ou au troisième étage. C'est un bureau. Il fait plus chaud ici. C'est la fermière. Pardon, Patrick. On monte avec l'escalier? Oui. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Et puis là, il y a aussi un petit salon. Voilà, tiens, l'escalier. Hop, question à ta gauche. Là, maintenant. Voilà. Et là, ça donne sur un autre mur. Vas-y, David, viens les voir. Attention, les marches. Et là, on arrive au troisième. Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour Lilia. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi. Bonjour. Je suis Anne. Anne, ça va? Oui, et toi? Bien, toi. Là, je suis avec une équipe. Attention, il y a une plante. Ça le ficus, ça. Bonjour. Bonjour, Gilles. Moi, je suis Myriam. Je travaille sur la carte sonore. Oui. Bonjour, ça va bien? C'est Germaine. Oui, Germaine, ça va bien? Bonjour, madame. Je suis avec Anaïs. Bonjour. Et moi, je suis Myriam. Anaïs travaille avec moi. Bonjour, sur la carte sonore. D'accord. Voilà, donc on fait la visite de la maison. Oui, bien sûr, quand on reviendra, là on écrit le dossier, mais quand on reviendra. Tout à fait, on va revenir. Bonjour Jean-Jacques. Salut, ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour, moi c'est Gilles. Moi c'est Germaine. Enchanté. Il y a Guy aussi, bonjour. C'est Anne, vous vous souvenez? Ouais. Pour la carte sonore. Ah ouais. Ça va bien? Ouais. Il joue de la guitare, hein, c'est ça? Oui. Bah, montrer sa guitare et tout ça. Encore un musicien. Bonjour. Donc là, effectivement, bah, l'espace de vie est différent. Ouais. Et c'est là où il y a Plume. Le personnage Plume. Et c'est là où elle se met. Et effectivement, comme tu vois, les oiseaux y passent. Mais elle n'est pas là, Plume, aujourd'hui? Elle est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. D'accord, moi je ne vais pas la déranger. Et là, vous voyez, c'est à peu près la même configuration. Attention, un chariot. Attention, Cécilie et David. Il y a chariot qui arrive. On va aller par là. Voilà. Merci. Et donc, la même chose, il y a une salle au fond du couloir, mais c'est une pièce où ils peuvent manger. De temps en temps, ils peuvent manger tout seuls et c'est eux qui se préparent. Ils ont la nourriture, mais c'est eux qui vont mettre la table. Et comme ça, ils se font un petit repas entre amis, si tu veux. Ce soir, on mange là-bas. Vous mangez là-bas? Voilà. Moi donc... et Maurice. Maurice aussi. Maurice, Jean-Jacques, Germaine, quand elle n'est pas de service. Super, ça. Et Jacques Fournel. D'accord. Et donc, comme ça, ils se mettent leur table, tout ça. Et puis, voilà, ils passent un petit moment sympa dans cette... Oui, ma chambre, elle est là-bas. Et le groupe qui va faire de la poterie le lundi matin, on passe par là pour aller... Ah oui, là, par là, vous passez ? D'accord. Si vous voulez, on peut aller la voir. Et là, ils ont une terrasse. Alors attends, là je ne connais pas trop. Alors, bonjour. Ouais, bah, la vas-y, terrasse. Je te guide. Ça va bien ? Pardon. C'est pas grave, c'est moi, j'ai un sac à dos. C'est bien. À droite. C'est tout. Donc Anaïs, que bonjour. La maison, bonjour. Et donc effectivement, comme ils ont. Anaïs ne connaît pas du tout la maison, bon, Gilles a, dit, a déjà travaillé. Voilà, on a j'ai proposé une petite visite avec les résidents. Bon, bah, super. Pour faire avancer le projet. Bah là, on a une super terrasse. Ouais, c'est sûr que c'est cool là. Oui. Vous allez où ? On commence. Plus on monte, plus les terrasses sont grandes. Oui, c'est vrai. C'est moi. On commence par la terrasse et puis après on va là, au bout du couloir. Bah viens. Viens. Voilà, on va te. Non, non, parce que là, moi, je connais. On sort là pour aller à Saint-Maurice. Exactement, pour aller à Saint-Maurice. On va laisser ouvert 3 secondes. Et donc là, même chose. Excusez-moi. Non, non. Et là, donc ils ont réaménagé, en fait, il n'y a pas très longtemps, en mettant des mains courantes tout le long et en créant un espace où, soi-disant, ça va être un potager aussi. Et là, ils ont mis des. Comment ça s'appelle ça ? Bande tactile. Non, en fait, c'est même pas des bandes tactiles. Oh là, c'est les clous bonjour, de. Ça va bien ? Ça peut servir de bande tactile, mais c'est les clous des. Ah d'accord, des planches. C'est les clous des planches en fait. C'est les clous des planches. Bonjour, Giovanni. Gilles. Tout le temps, j'ai cru. Ah c'est tout ça. Ah ben, ça peut servir, mais en fait non, c'est simplement des clous. D'accord. Ah ouais. Voilà. Ah bah, je suis mieux. Et là, il y a les chèvres. On voit les chèvres, on voit les arbres, on voit les magnifiques trois cerisiers d'origine. Il y a le poney aussi, je crois. Ouais, mais la ponette, ça prend pas. Ouais, on va rentrer parce qu'on va pas rester. Mais voilà. Il fait relativement chaud. Il y a une maison qui s'appelle Saint-Maurice. Saint-Maurice. Il y a effectivement des ateliers de citron. Et à une certaine époque, c'était là où les enfants étaient logés quand ils venaient passer le week-end ou la semaine auprès du père Côte, des enfants aveugles qui venaient du pensionnat de Villeurbanne. Ils venaient passer 2 jours. Il y a eu aussi les secrétaires qui travaillent maintenant là où on est passé tout à l'heure. D'accord, et qui travaillaient. D'accord. Et le père Côte aussi, je crois qu'il a eu un bureau là-bas. Un bureau. Donc voilà, on va rentrer pour pas que vous ayez froid. Oui. Il y a quelques résidents même. Attention. Les chèvres sont en train de manger les fleurs. Ah, en attendant, vas-y. Elles sont en train de manger les primes vertes, les chèvres là. Ah, voilà. Bientôt, il ne va plus en rester. Elles se régalent. Des fleurs toutes fraîches. Et on va prendre à droite jusqu'à cette petite salle à manger. Non, là, il n'y a pas de. Parce qu'elle devait être pas plus grande. Si, il y a une barrière là. Pardon. Et là, il y a un autre couloir avec deux chambres. Et là, c'est on va aller jusqu'à la salle à manger. Là, c'est là au bout. Anaïs, c'est ça ? Oui. Au bout, on se fait faire notre dextro, notre piqûre et tout. En fait. D'accord. Ah, c'est la seule, la première attention. C'est aussi le coin pédicure quand tu pédicure bien. Non, c'est de l'autre côté. Ah oui, il y a un coin pédicure. Il y a un coin pédicure. Attends, et je vais te faire coiffure voir. Aussi. C'est là le coin. Ah, le bain. Le truc pédicure, c'est là. D'accord, c'est là où il y a le bain. C'est là qu'on se fait soigner les petits potons. C'est bon, ça. Attention. Alors, effectivement, il y a des chambres qui sont. Doucement, on a vu. Parce que Patrick, comme il avance pas trop vite, ouais. Ouais, mais attention, voilà. C'est bon. Il faut choper le rythme des portes, une fois après qu'on a. Alors, il faut faire attention. Puis là, il y a un chariot. Vas-y, David, je t'aide. Un chariot de ménage, oui. C'est un parcours du combattant pour les noms et l'an. Pardon. C'est pas grave. 1, 2. Voilà. Là, il y a à nouveau une main courante. Ouais. Bonjour. Attention, il y a un résident. Voilà. Bonjour. Et voilà. Et là, c'est la petite salle à manger. Ah, il y a aussi une petite passerelle. Voilà, mais c'est juste le chariot. Et donc, ils s'installent ici pour manger. Et tu as une connexion avec C'est des chaises. Ah, d'accord, il est vendu. Oui, à l'envers pour nettoyer, j'imagine. Ouais, je pense que c'est le ménage. Le ménage vient d'être fait. Non, mais j'aime bien, moi, cet espace. Je veux faire une chaise. Et Anaïs, de faire un truc ici avec juste un petit parcours, là. Juste ça pour faire un petit parcours. Il y a de quoi faire. Parfois, ils mettent la ponette ici pour qu'elle mange, comme si elle allait... Ah, tu la vois, la ponette, là ? Non, elle n'est pas là, mais je sais que parfois, je la vois. On voit que les chèvres, là. Là, il n'y avait que les chèvres. Mais je trouve que ça a utilisé un potentiel dans cette espèce. Elle est jolie, non, son nom. Tu te tiens, ça va ? Tu me dis si tu veux t'asseoir, hein ? Non, ça va. Et puis, on va redescendre en ascenseur au zéro ? Ouais. Oui, on peut... Voilà, on y va. Moi, ça me dérange pas, mais je pense que ça a dû fatiguer un petit peu Cécilie. Ça va, Ouais, ça va. Hein. C'est bon. Ah, ben, on va prendre l'ascenseur comme ça, on redescend pas avec les escaliers. Oui, et puis ça va changer comme ça, on verra. On verra l'ascenseur. comment il parle et tout. Voilà, comment il parle, oui. Parce qu'on a un ascenseur parlant aussi. Ah bah oui. Non, pas avec à gauche. Là, c'est un cul de sac. À gauche, ça sur le mur, en plume. Voilà. Là, on parle. Allez, on est parti. C'est vrai que si on se repère pas, de combien de tours on a tourné ? Oui, mais surtout qu'on ne reconnaît pas bien. Ouais. Oui. C'est là qu'on se dit qu'il y a... Attention au chariot sur ta gauche. Voilà. Sur la gauche, Attention. C'est pas pareil, on est dans le couloir où il y a des trous. Il y a des portes. Bonjour madame. Des creux. Ah oui. À nouveau un creux. Et là, il y a le mur, voilà. C'est bon, c'est parti. Je me demande, est-ce que ce ne serait pas intelligent de mettre une petite clochette à la fin des chèques pour prévenir qu'il y a un trou ? Ça, vous le sentez qu'il y a des trous ? Est-ce que tu sens que, que la main courante, elle s'arrête et qu'il va y avoir un trou ? Si tu mets un son au bout de cette main courante pour indiquer qu'il va y avoir un espace vide. Par contre, il faut que ce soit... Ça, il faudrait demander aux lampes. Moi, je le sens parce qu'il y a des portes. Oui, parce que tu touches. Bonjour, attention, il y a monsieur. Bonjour. Ça va bien, Daniel ? Et toi ? Très bien. Bonjour. Bonjour. Là, c'est parce qu'il y a des portes, c'est des séparations. Oui, c'est ça, ouais. Le problème. Attention, tu vois, là, tu vois pas qu'il y a la fin. Donc, tu peux te cogner facilement. Oui. Le problème des clochettes, c'est que ça risque d'envahir assez vite le couloir. Oui, et puis ça risque, s'il y a beaucoup de passages, ça risque. Un objet. Oui. 3D qui. Attention, boum, il y a David. Allez, on avance. Attention, il y a le renfoncement. Voilà, ça c'est la porte coupe-feu. On va revenir dans l'espace de. Ouais, ça tourne. Là, il y a des toilettes. Ah, c'est des toilettes ? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a mangé à midi ? L'ascenseur. Là, on est au réfectoire. Et là, il y a un nouveau humain. Bonjour, l'ascenseur. On va au zéro, on n'a pas fait. Oui. Bonne journée, tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Est-ce que tu sens au sol la différence ? Avance encore ? Attends. Là ? C'est bon ? Bien sûr. On sent pas vraiment, non ? Non, je ne sens pas. Ouais. Donc, je crois qu'ici, ils n'ont pas de... Ça a l'air d'en... Mais la plupart sont voyants ou malvoyants. Ici, c'est des voyants, en fait. D'ailleurs, comme vous avez dû le remarquer, c'est vrai que c'est un... Attends, il faut que j'avance un peu, parce que sinon, je vais dans l'abdomen de la cellule. C'est un étage qui est beaucoup moins adapté pour les personnes non-voyantes parce que la majorité des résidents sont voyants. Oui, donc c'est il y a moins de... 3 ou 4 non-voyants, je pense, en étage. D'accord. Oui, c'est ça, là. C'est pour ça qu'ils ont... Et on peut faire voir le réfectoire aussi, hein. Ah oui, le grand réfectoire, oui, bonne idée, avec les cuisines. Oui, tout à fait. Ouais, on va passer le zéro, on va faire le tour et on va revenir sur... Vous allez voir la différence. D'ailleurs, il ne nous a pas dit vous êtes au premier étage, cet ascenseur. Ah oui, c'est vrai qu'il parle, il n'a pas parlé. Hein. Ah, c'est vrai. Il fait grève. Parce que souvent, dans ce genre d'établissement, ils disent vous êtes au premier, vous êtes arrivé au premier, vous êtes au deuxième, mais là... Et donc, c'est l'étage zéro. Bonjour tout le monde. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Ah, bonjour. C'est ça. Voilà, et donc là, on revient sur la terrasse, bien sûr. Ouais. Qu'on a fait là, ouais. Voilà, on n'a pas pris l'ascenseur. Et ici, c'est si, exactement c'est en fait, comme chez nous. Mais c'est en bas. Il y a encore un étage en plus. En fait, là, on est descendu au zéro, il y a un moins un. Là, il y a réception. Il y a réception. Ah non, oui, oui, réception. Et moins un. Alors, le moins un, c'est pour les. C'est là où il y a la lingerie, c'est là où ils vont chercher les clés pour les voitures. Ça va bien. Oui. Aïe, aïe, aïe. Coralie. Bonjour, Patrick. Salut, dame. Bonjour, Coralie. Vous allez bien? Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Voilà, on vient vous présenter Anne, la réalisatrice des films. Je la connais. Qui est là avec deux techniciens qui viennent faire connaissance. D'accord. Avec, ça avec va ouais, très bien, et toi? D'accord, ok. Dans les clés. Ah, excuse-moi. On est en train de travailler sur une carte sonore. Et donc, ouais. Donc Anne vient leur montrer un petit peu la maison, comment on vit. Ok. On s'imprègne un petit peu. C'est surtout vous qui nous expliquez la maison. Oui, mais justement, pour que vous imprégnez. Vous avez des bons guides, ça. On a des guides, des guides d'enfer. Et au bout, même chose, il y a un petit salon avec un accès pour aller fumer, mais alors c'est dans un petit couloir avec bétonné. Qui est au fond, là-bas. Ouais, au fond, voilà. Où il y a une ou deux chaises. Où il y a pas mal de DNA, ouais. Voilà, on peut fumer. Et là, si on va, on va aller au réfectoire, peut-être, très vite. Patrick et tout le monde. Ça va, Cécile, tu te sens? Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Et tu vois, là, ils appellent ça le zéro, mais quand tu descends, toi, t'as un petit étage pour... Oui, c'est un demi-étage, c'est même pas un demi-étage. C'est oui, un... c'est même pas... Bonjour, ça va bien? Et toi? Bah, super. Toi, on se promène pour la carte sonore. Ouais, ça fait très longtemps qu'il est là. Ça fait combien d'années que tu es là, toi? T'es arrivé... 20 ans. Oh, 20 plus de 20 ans. Ans. Voilà, j'ai des photos, j'ai vu des photos, il est plus, beaucoup plus jeune et tout ça. Il connaît bien la maison, il a plein d'histoires. Ouais. À nous raconter, je l'ai enregistré déjà. Ben, on continue la visite, on va à la réception, au réfectoire. Pardon. Ah d'accord. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. On arrive. Et il semblerait qu'à une époque, avant le réfectoire, il y avait un petit salon où les gens venaient pour attendre l'eau. Et il paraît que c'était super sympa parce que les gens s'asseyaient sur ces bancs et il y avait plein de... Voilà, ils discutaient, tout ça. Il n'y a plus cet endroit-là. Non, c'était dans l'ancien bâtiment, si tu veux. Et depuis, avec ce nouveau bâtiment, c'est horrible. C'est oui. Ils ont retourné ce buffet. C'est bizarre. Ouais, c'est l'arrière d'un meuble. C'est un truc de glisse. Et donc, voilà. Et ils mangent. Vous mangez combien de fois dans le réfectoire par semaine? Alors, on y mange le lundi midi. Ouais. Hein. Le mardi soir. Le mardi soir, deux. Le mercredi midi, trois. Trois. Le jeudi soir, quatre. Quatre. Vendredi midi, cinq. Cinq. Samedi midi, six. Six. Sept. Sept, ouais, sept fois. D'accord, sept fois. Et donc, avant, dans ce. Corps de bâtiment, donc avant il y avait, c'était l'atelier ici, et aussi l'endroit où ils pouvaient faire des messes quand il y avait beaucoup de monde, le père Côte faisait ces messes-là, et la cuisine n'était pas du tout là, hein. La cuisine était beaucoup plus à droite, là c'était un peu le bureau je crois de père Côte et tout ça. Je peux m'asseoir deux minutes? Mais bien sûr Cécilie, bien sûr, assieds-toi. Si vous voulez vous asseoir Patrick et oui, David. Oui, c'est ce que je fais. Parle en feu, Patrick, en face de moi. Il n'y a pas de chaise, ouais. On va en sortir une. Sans des... Voilà. Il y a les deux, il y a deux modèles de chaises. Ces chaises-là en bois qui sont très légères. Et celle où je suis, c'est et des chaises en sky. Et c'est vrai que souvent, les chaises en sky, moi je travaille beaucoup avec Cécilie au sein de CLS pour... sensibiliser un petit peu la direction parce qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à les porter, à les déplacer déjà. Lesquelles chaises? Celles où on sky, est là. Oui. Contrairement aux chaises en bois. Souvent, les gens, quand ils se déplacent, ça fait... Non, on ne peut pas le faire parce que c'est des chaises en bois. Mais ça frotte contre le sol et ça fait beaucoup ça, de bruit. Que là, en fait, que le bois, il fait moins de bruit. Ah oui, parce qu'il y a des patins en dessous. Ouais. Il faudrait mettre des patins même sur les... On a essayé, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas, les patins. On s'est tous assis, c'est bien. Mais ce sont des... on a tous envie de s'asseoir. On devrait boire un coup, là. Ah ouais, alors... Il y a une bouteille. Si on lève, ouais. Une bière, s'il vous plaît. Ah, bah, j'en ai. Hein, Patrick, une bière, s'il vous plaît. Moi, je suis pas trop bien. T'es pas trop bien, toi, t'es quoi, Cécilie? Oh, moi, je suis une bonne minou, ça sera pas mal. Un petit coup de Beaujolais, alors. Non. Ouais, non, la sorcière, c'est plutôt le chocolat. Pas le café, parce que moi, à partir de 4 ans, j'en prends plus. De quoi? T'es pas vin. Si le rosé, ou le blanc. Frais, rosé, là. Oui, je suis pas contre. Voilà, donc on mange ici. Mais j'ai mis un chocolat chaud quand même. On fait même des fêtes ici, ça nous arrive d'être tous réunis, le personnel et tous les résidents. C'est un vin tout simple. Et je crois que la pièce peut accueillir 100 personnes. Patrick, on fait aussi une réunion de restauration là. Oui, c'est vrai. Comité. Commission restauration. Voilà. On l'a fait ici aussi. Donc, vous goûtez des choses? Non, on discute sur les repas. Voilà, ah oui, c'est sur les repas d'ici. Qu'est-ce que vous en pensez ou est-ce qu'on peut améliorer? Si on peut améliorer sur les thèmes, sur tout ça. C'est bon ici? Ça va. Je ne sais pas où c'est ça sur un tournoiement convaincu parfois. Il y a parfois des jours où on est un peu moins, mais c'est un peu subjectif. Par exemple, il y en a qui aiment la brunoise, moi j'aime pas. Mais bon, la julienne aussi. La julienne. Non plus. Ça c'est très subjectif. Moi j'aime pas, mais c'est pas parce que tu peux donner à ton voisin en face, à David. Je vais pas faire que ça. De quoi? Je vais pas faire que ça, parce que déjà que je suis assez... J'aime manger, une horloge qui ressemble en fait le bruit... Au Big Ben. Mais surtout à l'horloge qui existait à l'époque dans cette maison qui a disparu. C'est un carillon, non? Voilà, c'est un carillon. Ah, mais il y avait on va l'entendre bientôt. Même chez mes parents. Mais là, on va bientôt l'entendre. Elle est remontée, mais en même temps, elle est 4 heures. Elle parle? Elle est remontée. Si je ne me trompe pas, c'est un carillon qui date de 1950. 16 heures. Oui, mes parents l'ont acheté quand ils se sont mariés, en gros, ou après. Donc, oui, c'est l'époque. D'accord. J'ai réglé à 7 heures le réveil, d'accord. Oui, parce que beaucoup de résidents... À la solution là, c'est la date. La date en plus. Puis là, c'est la solution. Oui, c'est une demande. De poser la question à. Non, mais c'est un monsieur. C'est pas mal cette montre. Oui, mais bien sûr, c'est ça. C'est monsieur aussi. Il y a des problèmes. Vous faire installer un carillon. C'est ce qui était fait. C'est monsieur. Parce que regardez, moi, elle est plus simple. On a aussi une. Il y a un bouton là. Bon, elle est au fond de chaque temps, mais on peut chercher de l'eau. Là. Oh, tu t'es ramené, toi? Non, mais je n'ai pas. Et là, je règle. Pas très longtemps, à Villeurbanne, j'ai l'expérience de manger avec des aveugles. Moi, au moins, il n'est pas. En ne voyant pas, dans le noir complet. Ah, dans le noir complet. Ah, oui, les yeux bandés. C'est à la guerre. Oui, ah, le voilà. C'est bien ça. Mais c'est tout, voilà. Ah, ça rythme. J'aime beaucoup cette musique. Ah, c'est très anglais. Ah, bah, ça me rappelle mon enfance, moi. Voilà. Vous êtes là, c'est intéressant aussi. Il est doux, Oui. Au Square Garden, à Londres. Et ça rythme. C'est vrai que ça rythme le repas. Parce qu'on sait que l'heure du goûter, ça démarre à midi. Voilà, oui, on cherche à votre goûter, c'est à 4h30. C'est bien, 16h. Ah, 16h. Bon, on se dépêche, comme ça, vous pouvez aller goûter et rejoindre votre. Non, c'est pas grave. C'est pas grave? Non. Bon, on va continuer la visite parce que moi, par contre, j'ai un rendez-vous chez le médecin avec toute la famille. Toute la famille? Bah ouais, parce qu'il y a des problèmes de boutons, tout ça. Ah, ouais, on a bien stressé. On a eu une épidémie de gale déjà, donc on ne pourrait pas faire bien. Oh là, c'est pas bon ça, oui. Ça, c'est pas mal à galant. Le savon noir. Ah, la chaise, elle se range là? Oui, très bien. Parfait. Voilà, moi je vais ramener le siège. Ah oui, c'est pas évident. Pour les personnes qui ont du mal. Donc le Patrick, pas de ce côté, on va faire le tour. On va revenir par la C'est pas évident de ce côté. Que celui-là, celle-là. Ah, pas du tout, par les essais. Ouais, j'ai un petit poil. Ah non. Là, on va repartir de l'autre côté. Ah ouais, tout à fait. David, tu débrouilles ou tu débrouilles? On va passer par la brosserie qui est, attention, Cécilie, qui est cette fameuse pièce qui était vraiment l'atelier au départ que le père Cotte a ouvert en 47, où il faisait de la brosserie, des brosses et du cannelage. Cannelage. Voilà, donc, alors, c'est un établissement qui a été créé, la partie des hommes, en 1945. C'est ça. Si on peut s'entendre en 1945. Ah, je savais. Et les filles dans le foyer satellite, où elles étaient, leur foyer a été créé. Ah, c'est mon sac à dos, il est toujours en large. Et l'un 132 pour Saint-Denis. Attention, j'ouvre la porte anti-feu. Moi, j'habite... Oh là, pardon. Bonjour. Ça va? Rebonjour. Il faut pas trop de bruit parce qu'il y a les réunions. C'est la réunion des élus. Donc là, c'était vraiment le secrétariat de l'ancien bâtiment. Où il y avait une salle et tout ça. Alors on va descendre. Oui, c'est chaud là. Là, tu vas avoir des escaliers, il y a le bois. Voilà, c'est bon. Ah oui, j'ai jamais ce défaut, je parle. Pardon. Attention, c'est bon. Attention, il y a des escaliers. J'ai jamais vu par ici, là. J'ai une de travail. Oh, très peu aussi. À la salle à gauche. On n'avance pas vite. Hein. Non, là, ça va être tout droit, on va tomber dessus. C'est juste pour leur montrer la brosserie. Bonjour. Voilà, donc ça, c'est la salle de la brosserie. Ah. Non, il va y avoir une réunion, on va pas pouvoir rentrer. Et qui sont des réunions? Nous, le CNRS, on se réunit ici. Voilà, et donc ça, c'était vraiment cette salle où il y avait la brosserie. Il y avait un énorme buffet à l'intérieur. Qui a même servi comme salle de goûter aussi. C'est urbain. Bonjour. Ah, on vous voit le jour, c'est rare ça. Oui, j'ai rien avec oui, meilleur le jour. D'accord. Ah ben alors. Je savais que je voyais, j'entendais une voix que je connaissais, mais j'arrivais pas à me dire, mais c'est qui lui? C'est urbain. Eh ben là, on avance et on va tomber sur la réception. À ce moment-là. Voilà. À demain. Une porte, et puis là, après, on retombe près des escaliers. Là, c'est tout droit, et puis après à droite. Et là, c'est les escaliers, là. Voilà, ça, ce sont les anciens. On arrive dans le hall de 300 mètres carrés, là. 300 mètres carrés. D'un hectare. Non, Patrick, là, tu n'es pas obligé d'aller tout droit, on va aller sur la droite et puis voilà. Mais moi, en fait, je suis né dans le village juste au pied d'où le père Cotte avait fait les colonies, des grillons et des cigales. Et des cigales, voilà. Peut-être qu'ils sont au premier. Et là, on est revenu. On est dans le grand hall. Sauf si vous avez des questions, des remarques, des envies particulières. Oui, voilà, je parlais plutôt à Anaïs et à Gilles, si vous aviez des questions. Tiens, tu veux t'asseoir, Cécile? Non, c'est bon. C'est bon mais voilà. Mais en tout cas, c'était bien sympathique. Merci en tout cas. C'était très sympa. Ça nous a fait plaisir. Oui. Nous aussi. Voilà. Ça nous a occupé une heure et demie aussi. Voilà, et en plus, quand il y a du monde au-dessus, et loin, t'entends tout. Ouais. Ben oui, ça c'est une mezzanine, en plus, une mezzanine avec un planche en bois. Mais on n'a pas été chez Christophe, c'est pas grave. Je vais leur montrer. Ah d'accord. En sortant. Je vais leur montrer. Si tu veux, oui, on veut soit. Comme ça, vous n'avez pas froid, tout ça. C'est vrai qu'il fait un peu frais et c'est un peu à l'ombre. C'est surtout qu'on n'a pas prévenu qu'il puisse. Oui, non, mais ça, c'est pas très très grave. Je regarderai s'il est dispo ou pas. 1h19, 26 secondes. Oh, waouh! Joli! Ça passe vite. Joli! Une petite. Ouais, c'est immense. Hein. C'est immense. C'est un donc, très bel endroit. Oui, c'est. Après, ouais. Il y a quand même pas mal de choses. Ouais, je trouve. Mais c'est bien maintenant, c'est bien aménagé, on peut circuler. Ouais. Mais vous n'allez pas souvent à l'extérieur? Non. Non, non. Ah. Non. On va vous faire un petit truc sympa à l'extérieur. Ce serait chouette. Pour que, voilà, pour vous encourager. Ce qui est vraiment très, très beau, ce parc. Même si l'accès est plus difficile, il y a quand même une partie où juste de se poser, de faire des petits trucs. truc, peut-être dehors. Bah, c'est ce qu'on voulait faire avec, alors là, c'est avec notre collectif. Oui. On voulait imaginer, pardon. Demander à M. Le Bonnier de faire un accès pour les gens qui veulent aller se promener dans le parc. Parce que... Et qu'est-ce qu'il disait, monsieur de... Ah, ça, je ne sais pas. Pour l'instant, ça paraît un peu compliqué parce qu'en même temps, il y a quelques résidents avec Christophe qui s'occupent de la panette et des chèvres qui sont justement dans le coin. Et ils ont fait un grillage, je crois. Enfin, ça, c'est un peu compliqué. Oui, vous appartenez à le terrain, chiens. De toute façon, n'est pas très, très pratique. Hein. C'est un peu accidentel. Oui, quand tu es en haut et tout les, ça. Les mains courantes ne sont pas bien ajustées. Enfin, c'est un peu compliqué. Je trouve ça bizarre de mettre des mains courantes en bois, d'ailleurs, parce que... Ah non, mais on a fait ça avec la paysagiste. La première chose qu'on a remarqué, c'est que tu mets la main, tu te prends des écharpes. Ben, oui, c'est ma... Moi, c'est pour ça que je prends plus les... C'est la première chose que j'ai pensé, on met jamais des mains courantes en bois, comme ça. C'est clair. Et je donc suis... ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Parce que ça, il faut qu'on le change. Et elle m'expliquait, mais pourquoi vous ne faites pas un atelier de ponçage? Et ce soit les résidents qui poncent, parce que si tu ponces et le vernis, il faut le vernir après. Tu n'as plus de problème. Oui, mais ça, c'est toute une organisation. Déjà, tu veux t'asseoir, Cécilie ? Non, ça va. Ça va, il y a les petits encore longs. Là, par exemple, cette année, toutes les activités qu'on a eues, avec l'organisation des personnels qui a été mise en place, ben, ça a tout chamboulé. Il y en a même certaines, comme l'atelier expression Cécilie, on vous en parlait tout à l'heure. Elle n'a pas été reprise parce que Guillaume, Guillaume est parti. Anne. Petronie s'occupe de son étage, elle a son travail à plein temps. Oui, Cécilie. Est-ce que je peux y aller? J'ai bien sûr. À prendre mon dextro. D'accord. Non, mais on va vous laisser. Pas de problème, nous aussi. On va. Merci beaucoup. Mais de toute façon, on va merci à vous. Merci en tout cas. Vous nous tenez au courant. Pas de problème. Et de toute façon, on reviendra pour s'installer, comme j'avais fait la dernière fois, une semaine. Ah ouais. Pour récolter tout, voilà, pour continuer le projet. Merci en tout cas. De rien. Je n'ai déjà un petit bout de vos voix dans la boîte. C'est ça. Ça y est, il vous a volé j'ai un déjà, peu j'ai déjà volé un petit peu de votre voix aujourd'hui. Ah. Ça, c'est chouette. Mais excusez-moi, je ne voudrais pas être dans le cœur de manche, comme on dit, mais vous avez l'autorisation d'aller ici. Bien sûr. Parce que je sais que... comme on dit... T'inquiète pas, monsieur le Monnier est au courant. Monsieur le Monnier. Voilà, là, c'est le président du CELES qui nous pose la question. Oui, oui, non. J'ai fait ça bien. Ouais, okay, ça marche. Ça marche. Bon, bah, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Hein. Bah, c'est merci beaucoup. À bientôt. Salut, Cécilie. Je te fais la bise. Au revoir, Naïs. Salut, David. Bonne continuation. En tout cas, on se voit le 28 pour certains. Au revoir. On essaie de venir le 28. Hein. Ce serait chouette. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ah, Cécilie. Au revoir, au revoir. David. David. J'étais en train de rechercher. Et puis, bon après-midi. Merci. Merci, vous aussi, très bien. Hein.